السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous reprenons l'étude du livre du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, plus connu sous le nom ou sous le surnom بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. Dans ce passage de son livre Ad-Da'u wa-Dawa, la maladie et le remède, Ibn Qayyim رحمه الله تعالى nous dit: فاستحضر بعض عقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous donne ici un trésor. Il nous donne ici une grande science qui va nous permettre, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, avec la permission d'Allah le Très-Haut, de redouter la désobéissance, de nous éloigner du péché. Quels sont ces deux secrets? Quels sont ces deux remèdes? Premièrement, le fait d'avoir présent à l'esprit certains des châtiments qu'Allah Azza wa Jal a rattachés au péché. Tel péché engendre telle punition chez Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, imagine que cette punition te touche. Dans le cas, bien sûr, où tu commettrais cet interdit, mets-toi dans la situation de celui qui serait touché par la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit que ces deux points-là feront en sorte que notre âme fuit la désobéissance. Ainsi, ce grand conseiller, rahimahullah ta'ala, nous dit, et je vais t'exposer certains points relatifs à cela. Al-khatmu ala al-qulub wal-asma'. Donc, parmi les punitions d'Allah azza wa jal, parmi les punitions d'Allah tabaraka wa ta'ala, si on lui désobéit, الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة عليها. Le scellement du cœur et de l'ouïe, l'obstruction de la vue, la fermeture du cœur et leur recouvrement de voile et de rouille. Celui qui désobéit Allah Azza wa Jal et qui ne cesse de le faire, comme le prophète alayhi salat wa salam nous l'enseigne, son cœur se noircira de taches et de points jusqu'à être recouvert totalement, jusqu'à être voilé et recouvert totalement. Wa taqlibu al-af'idati wal-absar wal-haylulatu bayna al-mar'i wa qalbihi وإغفال القلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه. Aussi, l'interposition entre l'homme et son cœur, c'est-à-dire il y aura des choses qui vont voiler sa bonne perception de la vérité et son suivi ainsi que son acceptation. Le détournement du cœur de la mention du Seigneur, l'oubli par l'homme de sa propre personne. Tout cela sont donc les conséquences du péché. وَتَرْكُ إِرَادَةِ اللَّهِ تَطْهِيرَ الْقَلْبِ وَجَعْلُ الصَّدْرِ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ وَصَرْفُ الْقُلُوبِ مِنْ عَنِ الْحَقِّ وَزِيَادَتُهَا مَرَضًا عَلَى مَرَضِهَا وَإِرْكَاسُهَا وَإِنْكَاسُهَا بِحَيْثُ تَبْقَى مَنْكُوسَةً كَمَا ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ الْقُلُوبُ أَرْبَعَ الْحَدِيثُ. L'abandon de la volonté d'Allah de purifier le cœur, l'oppression et la gêne de la poitrine comme si l'homme s'élevait dans le ciel, le détournement du cœur de la vérité, l'ajout de la maladie à sa maladie, le retournement et le culbutement du cœur si bien qu'il demeure ainsi. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhuma. Puis il nous mentionne que les cœurs sont de quatre types. Les cœurs sont de quatre types. Quant au cœur du croyant, c'est un cœur illuminé. Quant au cœur du croyant, c'est un cœur lisse et comportant une lampe luisante. À l'inverse, un cœur rustre. Quant à celui de l'hypocrite, il est retourné. Puis les cœurs dans lesquels sont mêlés plusieurs choses. La première substance, celle de la foi, la deuxième, celle de l'hypocrisie, et le cœur penchera vers celui qui obtiendra le dessus. Toute cette corruption du cœur, tous ces ressentis sont les conséquences des péchés. Et ce qui est gravissime dans cela, au-delà des conséquences, le fait que le pécheur lui-même n'ait pas conscience de cela. Et certes, la blessure ne cause plus de douleur aux morts. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit dans les effets des péchés et nous dit: التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. La lourdeur face à l'obéissance d'Allah. La lourdeur, comme si on se sentait retenu face à l'obéissance d'Allah. والإقعاد عنها. Il est assis, il peine à se lever pour obéir à Allah Azza wa Jal. Il est lourd. Il ne trouve pas l'énergie suffisante. La base est le cœur, mais le cœur, comme on l'a mentionné, est corrompu, défaillant, rempli de mal, de rouille, de noirceur. Il n'a donc plus l'énergie suffisante afin d'avoir une haute détermination qui se répercute ainsi sur l'âme, sur les membres, qui se mettent à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'a plus cette énergie-là. Sa volonté est basse, trop préoccupée à désobéir à Allah azza wa jal et à assouvir ses passions dans le haram. Ainsi, il devient lourd. Il devient lourd et il n'arrive plus à obéir à Allah azza wa jal, comme si on le retenait. Et lorsqu'un semblant de vérité se présente à lui, il préfère rester assis. Il préfère rester assis, comme s'il était retenu. En réalité, il est retenu. Mais il est retenu par quoi? Il n'est pas retenu par une chose qui viendra le combattre, par une chose qui prendra les armes en face de lui, par une chose qui l'enchaînera avec de vraies chaînes. Non. Il est retenu par son propre shaitan. Il est enchaîné par ses propres passions. À l'image d'un prisonnier sous surveillance 24 heures sur 24. Et nul ne pourra le délivrer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala par pitié envers lui. Et ça, en réalité, wallahi, c'est une des punitions les plus affligeantes, les plus gravissimes que puisse subir et recevoir le serviteur d'Allah Azza wa Jal. On le prive du délice de faire ce pour quoi il a été créé en réalité. On le prive du délice, car la servitude, c'est un plaisir, c'est un délice, c'est une jouissance. Le fait de reconnaître l'être adoré, de se soumettre à lui volontairement, de remplir son cœur d'amour pour lui, tabaraka wa ta'ala. Donc si Allah Azza wa Jal ne t'accorde pas l'honneur de lui adorer, de l'adorer, de lui obéir et d'être prompt dans cela, sache que c'est une réelle punition qui est tombée sur ce pécheur. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos péchés, de nous aider à revenir vers lui et de ne pas nous punir à cause de nos désobéissances. Wallahu musta'an. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا ينطق به لا ينطق به أعمى لا يراه. Parmi les punitions qu'Allah Azza wa Jal a liées au péché, le fait de rendre le cœur du serviteur sourd, il n'entend plus la vérité. Il n'entend plus la vérité. Son mutisme, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, l'empêche de la prononcer. Il devient muet lorsqu'il s'agit de dire la vérité. Aveugle, il ne voit plus. Aveugle, il ne voit plus. فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام وبهذا يعلم أن العمى والصم والبكم للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بعرض والتبع والتبعية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: ainsi le cœur devient face à la vérité qui ne lui est d'aucun profit, comme l'oreille du sourd face au son et l'œil de l'aveugle face aux couleurs, et la langue du muet devant la parole. On constate ainsi l'aveuglement, la surdité, et le silence, et le mutisme du cœur par son essence et sa substance, et celui des membres par leurs symptômes et leur rattachement. Lorsque le cœur est prisonnier, les membres le deviennent également. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Comme dans Suratul Hajj, وليس المراد نفي العمى الحس عن البصر كيف قد قال تعالى ليس على الأعمى حرج وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب. Ce n'est pas ici une négation de l'aveuglement tangible de la vue. Ici, Allah Azza wa Jal ne veut pas nous dire que la cécité n'existe pas. Comment pourrait-il en être ainsi alors que lui-même dans son livre nous dit « Nul reproche adressé à l'aveugle ». Dans Sourate An-Nur et dans Sourate Abasa, il a froncé les sourcils et s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Mais ce qui est voulu ici est que l'aveuglement total n'est en réalité que l'aveuglement du cœur. Allahu Akbar. Wa innama al-murad anna al-'ama tam fi al-haqiqa 'ama al-qalb. Prêtez attention, accordez, et prenez quelques secondes pour méditer sur cette parole. L'aveuglement total, en réalité, n'est que l'aveuglement du cœur. Wallahi, on a connu des gens aveugles. Lorsque tu les voyais réviser le Coran, tu t'interrogeais sur ta propre personne. Wallahi, ils révisaient le Coran des heures durant. Ils le mémorisaient entièrement. Certains révisaient avec des audios, subhanallah, d'autres mémorisaient avec des audios. Allahu Akbar. Et avec cela, ils étaient heureux, ils ne passaient pas leur temps à se plaindre, comme nous lorsque nous avons une simple douleur ou autre, ou une simple épreuve de vie passagère. Il ne se cachait pas derrière ce dit handicap jusqu'à constater une fois mis face à nos responsabilités que le réel handicap était le fait de ne pas pouvoir et adorer Allah Azza wa Jal comme il convient de le faire. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala cite certains exemples. Avant cela, il dit hatta inna amal basar bin nisbati ilayka al-a'ma hatta innahu yasihu nafyuhu aw nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi kama qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laysa ash-shadid bi sur'ah walakinahu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترد لقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة. الحديث حديث عن البخاري مسلم. Donc l'aveuglement total n'est en réalité que l'aveuglement du cœur, au point que pour lui, la cécité n'est pas considérée et qu'il est valide de la nier. Ni l'aveuglement du cœur face à la personne qui est réellement aveugle est tellement supérieur qu'il est correct de dire que celui qui est aveugle dans notre langage courant ne l'est pas. Et on a des exemples dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, et qu'il, naam, au regard de sa perfection, de son pouvoir, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Ici, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homme fort, mais celui qui a la force complète, qui mérite les éloges, et celui qui, lors de la grande colère, réussit malgré tout à se maîtriser. Lui, sa force comparée à l'autre, est comme si l'autre n'en avait pas. Autre exemple, le pauvre n'est pas celui qui mendie et qu'on contente par une ou deux bouchées, mais le pauvre est celui qui ne demande pas aux gens et qu'on ne soupçonne pas c'est-à-dire d'être dans le besoin, si bien qu'on ne lui accorde pas l'aumône. Et les exemples similaires sont très nombreux. En somme, parmi les châtiments provoqués par les péchés, est qu'ils rendent le cœur aveugle, sourd et muet. Ils rendent le cœur aveugle, sourd et muet. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى وأصم وأبكم. ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق Parmi les effets des péchés sur le serviteur, l'engloutissement du cœur. L'engloutissement du cœur comme Yanni, vous avez pu peut-être déjà voir lorsqu'il y a un éboulement de terrain, lorsqu'on avale littéralement le sol et qu'il y a un cratère énorme. Voici ce qui arrive au cœur. De même qu'un lieu et ce qu'il contient peut être englouti, et on entraîne alors le cœur au plus bas degré sans que l'homme ne s'en aperçoive. Et on entraîne alors le cœur au plus bas degré sans que l'homme ne s'en aperçoive. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, par sincérité envers ses corréligionnaires, nous dit les signes de cela. Il nous dit les signes de cela. Quels sont les signes que le cœur est englouti? Le signe que le cœur a été englouti est qu'il ne cesse de tourner autour des bassesses, souillures et vilainies. Le cœur n'a d'autre désir, n'a d'autre détermination que vers les choses viles, basses et sales. Alors que le cœur qu'Allah a élevé et rapproché de lui ne cesse de tourner autour du trône. Ne cesse de revenir vers les actions, les bonnes actions, les actions de bien, les actes élevés, les paroles nobles, les bons comportements. Subhanallah, le serviteur pieux. Allah tabaraka wa ta'ala l'honore à un point. Subhan al-Malik. Lorsqu'on entend ceux qui nous parlent du délice de la foi qu'ils ont trouvé, et on espère qu'Allah Azza wa Jal nous comble de cela, ils sortent d'une obéissance, Ikhwan al-Kiram, ils sortent d'une obéissance vers une autre obéissance. Il ne finit pas une bonne action sans qu'une autre ne l'appelle, ne l'y invite. Allah Azza wa Jal l'élève tellement que les bonnes œuvres se concurrencent auprès de lui. Il se retrouve dans des situations où il doit choisir entre les bonnes actions. Allahu Akbar. Un point tel que certains parmi les salafs, Hamad ibn Salama et d'autres, rahmatullahi alayhim, on disait d'eux, si on leur disait, qu'il y a l'ange de la mort à leur porte, ils ne trouveraient pas une bonne action à ajouter. C'est-à-dire qu'ils étaient au maximum d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans ce bas monde comme des étrangers. Comme s'ils étaient dans un voyage. ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. Parmi les conséquences des péchés, l'éloignement vis-à-vis de la bonté, du bien, des bonnes œuvres, des bonnes paroles, des comportements élevés. Un des pieux prédécesseurs a dit, ces cœurs déambulent, certains autour du trône et d'autres autour des madha, des endroits sales. Et ça, c'est la même chose pour l'utilisation des ordinateurs à notre époque et d'Internet. Certains, pour se cultiver, pour étudier, pour faire du bien, ou des choses permises, et d'autres, pour désobéir à Allah Azza wa Jal et aller sur des sites de décadence, de pornographie, de rencontres et autres. Wal'iyadhu billah. Wa minha maskhu al-qalb fayamsakhu kama tumsakhu as-sura fayasiru al-qalbu ala qalbi al-hayawan alladhi shabbahahu bi akhlaqihi aw shabahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi. Parmi les conséquences des péchés, la transformation du cœur, comme on transforme une apparence. Et ainsi, le cœur devient semblable au cœur des animaux auxquels il ressemble dans son comportement, ses actes et sa nature. Certains cœurs sont transformés et empruntent le comportement du porc, en raison de sa forte ressemblance avec lui. D'autres ressemblent aux chiens, d'autres à l'âne, d'autres aux serpents, d'autres aux scorpions et d'autres encore. Et c'est l'interprétation que fit Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, concernant la parole d'Allah, « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ فِي بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ » Il n'est point d'animal sur terre ou d'oiseau qui étend ses ailes, qui ne soit une communauté comme la vôtre. قال ومنهم من يكون على أخلاق السباع العادية ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير ومنهم من يتطوس في ثياب كما يتطوس الطاووس في ريشه أو في نعم ريشه ومنهم من يكون بليدا كالحمار ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك وهك إلى آخر كلامه رحمه الله. Il dit, certains empruntent le comportement des fauves féroces, et d'autres celui des chiens, des porcs et des ânes. D'autres encore se parent de leurs vêtements comme le paon se pare de ses plumes. D'autres sont stupides comme l'âne. D'autres s'enorgueillissent à la manière du coq. D'autres encore apprivoisent et sont apprivoisés comme le pigeon. D'autres sont rancuniers comme le chameau. D'autres ne sont que bien comme le bétail. D'autres encore ressemblent à des loups, et d'autres ressemblent à des renards et rusent à leur manière. وَمِنْهُمُ الْحَقُودُ كَالْجَمَلِ وَمِنْهُمُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ كُلُّهُ كَالْغَنَمِ وَمِنْهُمْ أَشْبَاهُ الثَّعَالِبِ الَّتِي تُرَوِّغُ كَرَوْغَانِهَا وَقَدْ شَبَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَحِيمَ وَالْغَيَّ بِالْحِمَارِ تَارَةً وَبِالْكَلْبِ تَارَةً وبالأنعام تارة والتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في صورة الظاهرة ظاهرا خفيا أو ظهورا خفيا يراه المتفرسون وتظهر الأعمال ظهورا يراه كل أحد ولا يزال يقوى حتى تشتنع السورة فتنقلب له السورة بإذن الله وهو المسخ التام فيقلب الله عز وجل السورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان. الله سبحانه وتعالى a comparé et établi une ressemblance entre les gens de la fournaise, les gens de l'égarement, de l'ignorance, tantôt aux ânes, tantôt aux chiens. Et encore, dans d'autres textes, il les fit ressembler aux bestiaux. Cette ressemblance se renforme intérieurement jusqu'à se manifester discrètement en apparence et être vue par les gens perspicaces, mais aussi par tout un chacun lorsqu'elle se manifeste dans les actes. Et cette ressemblance ne cesse de se renforcer jusqu'à devenir réelle si Allah Azza wa Jal l'inflige. Plus loin, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Fasubhanallah, kam min qalbin mankousin sahibuhu la yash'ur, wa qalbun mamsoukh, wa qalbun makhsoufun bih, wa kam min maftounin bithana'in nasi alay, maghrourun bisitrillahi alay, مستدرج بنعم الله عليه وكل هذه العقوبات إهانات ويظن الجاهل أنها كرامة. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, subhanallah, il s'étonne en mentionnant la pureté d'Allah. Combien de cœurs sont retournés sans que ceux qui les renferment ne le sachent? Combien de cœurs sont retournés alors que la personne ne s'en rend même pas compte? Combien de cœurs sont transformés et engloutis? Combien sont éprouvés par les éloges que leur adressent les gens? C'est-à-dire que les éloges des gens leur ont fait oublier leur réalité. Combien sont trompés par la dissimulation de leurs actes qu'Allah leur accorde. Allah Azza wa Jal, par pitié, miséricorde et sagesse, ou sagesse de sa part, le couvre et lui pense qu'il est bien et bon. Parce qu'il ne reçoit pas d'épreuves. Combien sont amenés progressivement à la perte par les bienfaits qu'Allah leur accorde. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur donne, ils se pensent donc pieux et nobles de par ses bienfaits. Puis Allah Azza wa Jal les saisit durement et les châtie. Tout cela n'est que châtiment et humiliation, alors que l'ignorant le voit comme un honneur. Allahu Akbar. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa minha makrullahi bil makir. ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستأزه وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, parmi la punition due au péché, la ruse qu'Allah emploie contre celui qui ruse, la tromperie qu'il déploie contre celui qui trompe, la moquerie qu'il adresse à ceux qui se moquent, et le fourvoiement qu'il afflige au cœur qui se détourne de la vérité. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواها وهو يزعم أنه مطيع لمولاه وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. Parmi les effets des péchés, le renversement du cœur, au point qu'il voit le faux comme étant la vérité, et la vérité comme étant le faux. Le bien comme étant le mal, et le mal comme le bien. Il corrompt, sème le désordre, alors qu'il pense réformer. Il obstrue le chemin d'Allah, alors qu'il pense y appeler. Il achète l'égarement au prix de la guider, et pense être bien guidé. Il suit ses passions, et prétend obéir à son maître. Tout cela compte parmi les châtiments provoqués par les péchés commis par le cœur. Ici, la punition est infligé dans la perception des choses. Le cœur étant bouleversé et retourné, le cœur étant renversé, ne perçoit plus les choses comme il le faut. Ainsi, pour lui, ce qui est bon et bien devient mauvais. Allahu Akbar. Tu remarques donc un changement flagrant sur la personne, mais elle est la seule à ne pas le remarquer. Ceux qui sont autour de cette personne tentent de la sauver, tentent de l'avertir, de l'alerter. Mais lui, de par sa perception pervertie, a les sens renversés, le cœur renversé. Il ne perçoit donc plus la réalité des faits et se laisse entraîner par son ressenti désormais corrompu. Corrompu par ces péchés desquels nous avons tant parlé. وَمِنْهَا حِجَابُ الْقَلْبِ عَنِ الرَّبِّ فِي الدُّنْيَا وَالْحِجَابُ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشفيها وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقرب به عينا وتطيب به نفسا بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. Parmi les effets des péchés, le voile interposé entre le cœur et le Seigneur en ce bas monde, et le grand voile au jour de la résurrection. Comme Allah le Très-Haut dit, selon la traduction des sens du verset, « Mais non, ou plutôt aucunement, ce sont plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur. Ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Les péchés les ont empêchés de parcourir la distance entre eux et leur cœur, afin d'y parvenir, voir ce qui l'amende et le purifie, ce qui le corrompt et le conduit au malheur. Tout comme ils les ont empêchés de parcourir la distance entre leur cœur et leur Seigneur, afin que le cœur parvienne à lui, sa proximité et sa bonté, et que l'œil et l'âme se réjouissent. Mais les péchés ont été un voile entre eux et leur cœur, et un voile entre eux et leur Seigneur Créateur. Ce voile est l'œuvre des péchés dans ce bas monde. Ça a eu comme conséquence l'éloignement d'Allah Azza wa Jal. Et plus cette personne est éloignée d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, plus elle sera voilée et le voile s'interposera entre elle et la vision d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dit, ces gens-là, du fait qu'Allah a été courroucé contre eux, en colère contre eux, seront empêchés de contempler leur Seigneur. Cela prouve qu'Allah Azza wa Jal, étant satisfait des croyants, il leur permettra de contempler son noble visage. Ou comme il a dit, rahimahullah ta'ala. وَمِنْهَا الْمَعِيشَةُ ضَنْكُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْبَرْزَخِ وَالْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ فُسِّرَتِ الْمَعِيشَةُ الضنك المعيشة ضنك بعذاب قبر بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة ضنك والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى فإنه سبحانه رتب المعيشة ضنك على الإعراض عن ذكره و فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه وإن تنعم في الدنيا وإن التنعم وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب. والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يفيق صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans ce passage que parmi les effets des péchés, le fait qu'Allah Azza wa Jal inflige une vie pleine de gêne aux pécheurs. parmi les effets des péchés, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à ceux qui lui désobéissent une vie pleine de gêne, pleine de difficultés, en ce bas monde, dans leur tombe et lors de la résurrection, le châtiment. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset de Surat Taha, et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. La vie pleine de gêne a été interprétée par le châtiment de la tombe. Et nul doute que cela fait partie de cette vie misérable, mais le verset a une portée plus générale. Même s'il est construit autour d'un terme indéfini dans une phrase affirmative, sa globalité est tirée de son sens. Car Allah a lié cette vie de gêne au détournement vis-à-vis de son rappel. Et celui qui s'en détourne mène une vie pleine de gêne en fonction de son détournement. Même s'il se délecte en ce bas monde de toute forme de bienfait, il éprouve en son cœur une solitude, une humiliation et un malheur qui le fendent. De même que de fausses espérances. Le châtiment présent est ce qu'il vit. Mais cela ne lui est caché, c'est-à-dire il ne se rend même pas compte de l'état catastrophique dans lequel il se trouve et du mal-être qu'il vit. Il ne le perçoit pas réellement. Le châtiment présent est ce qu'il vit. Mais cela ne lui est caché que par l'ivresse des désirs, de la passion, de l'amour de ce bas monde et du commandement. Même s'il ne joint pas à cela l'ivresse de l'alcool, l'ivresse de ces choses est plus grande que celle de l'alcool, car celui qui consomme de l'alcool se réveille et dégrise. Or, qu'on ne dégrise pas de l'ivresse des passions et de l'amour de ce bas monde, écoutez bien la suite, sauf lorsque l'on compte parmi l'armée des morts. Celui qui est enivré par les passions et par le haram ne se réveillera de son ivresse qu'une fois mort. Qu'une fois mort. فالمعيشة ضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنيا وفي البرزخ يوم معاده ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل. Cette vie pleine de gêne frappe de manière inéluctable celui qui se détourne du rappel d'Allah qu'il a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en cette vie, dans la tombe ou au jour de la résurrection. Voici une grande règle énoncée par Ibn al-Qayyim rahimahullah tirée du Coran et de la Sunna. Toute personne qui se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jal, qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera frappé par cette grande gêne, sera frappé par ce malheur habitant son cœur, son âme, et ses membres. Il en sera touché dans ce bas monde. Il aura à le subir dans sa tombe. Et lui sera infligé dans l'au-delà, au jour de la résurrection. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite pourquoi cela. Et il nous dit magnifiquement bien, avec une phrase splendide. لا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل. Pourquoi est-ce que le désobéissant ne cessera de vivre une vie pleine de gêne? Pourquoi il ne sera jamais apaisé? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: l'œil ne se réjouit, le cœur ne se calme, ne s'apaise. Le cœur ne se calme et l'âme ne s'apaise qu'à travers sa divinité. Et l'être adoré en toute vérité, alors que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous donne ici la clé du bonheur et de la réussite absolue. Elle consiste à unifier Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère et à prendre pour divinité unique Allah le Seigneur des mondes. Ça n'est qu'ainsi que le cœur du serviteur pourra goûter au plaisir réel, concret et durable. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, فَمَنْ قَرَّتْ عَيْنُهُ بِاللَّهِ قَرَّتْ بِهِ كُلُّ عَيْنٍ وَمَنْ لَمْ تَقَرَّ عَيْنُهُ بِاللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحاً كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين ونذير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Celui qui se réjouit par Allah, Allah réjouira tout le monde. Et celui qui ne se réjouit pas par Allah, son cœur se brisera de malheur pour ce bas monde. Allah n'a accordé de bonne vie qu'à celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres, comme il le dit. Quiconque, homme ou femme, accomplit une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres. Allah assure aux adeptes de la foi et des bonnes œuvres une rétribution en ce bas monde par une bonne vie et par la meilleure des récompenses au jour de la résurrection. Ils obtiennent donc le meilleur des deux vies et sont vivants dans les deux demeures. Il en est de même dans la parole d'Allah. Selon la traduction des sens du verset, ceux qui accomplissent de bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la récompense qui les attend dans la demeure de l'au-delà est certes meilleur. Combien agréable sera la demeure des pieux. ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أو نذيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. Et semblable à cette parole dans Sourate Hud, demandez pardon à votre Seigneur et revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. فَفَازَ الْمُتَّقُونَ الْمُحْسِنُونَ بِعْنَعِيمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَحَصَّلُوا عَلَى الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدَّارَيْنِ فَإِنَّ طِيبَ النَّفْسِ وَالسُّرُورِ فَإِنَّ طِيبَ النَّفْسِ وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته في ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa rafa Allah maqamahu fil firdaus al-a'la min al-jannah nous dit: ainsi les pieux et bienfaisants obtiennent les délices de ce bas monde et de l'au-delà et une vie dans les deux demeures, ceci car l'apaisement de son cœur, sa joie, son bonheur, sa délectation, son allégresse, sa sérénité, son épanouissement, sa lumière, son élargissement, son étendue, sa préservation vis-à-vis des désirs illicites et des fausses ambiguïtés représentent les réels bienfaits. C'est ça la réalité du bonheur. Sans aucune comparaison avec la délectation du corps, cet état de cœur qu'Allah accorde aux gens de la foi, l'apaisement, la tranquillité. Ibn al-Qayyim nous dit, c'est incomparable avec les plaisirs du corps. Un de ceux qui a goûté à cette délectation a dit: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب. أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. Un de ceux qui ont goûté à ce délice a dit: si les rois et les fils de rois connaissaient notre réelle condition, ils nous frapperaient de leurs épées pour l'obtenir. C'est-à-dire ce délice de la foi obtenu à travers la connaissance d'Allah Azza wa Jal et son adoration seule d'un culte sincère. Les assises de science, s'ils avaient eu connaissance de ce pouvoir que nous avons, qu'Allah nous a octroyé, ils nous frapperaient de leurs épées pour l'obtenir. Car certes, les rois aspirent à l'élargissement de leur royaume. Un autre a dit, c'est-à-dire un autre de ceux qui ont connu le réel bonheur et cet état du cœur: le cœur vit certains instants lors desquels je me dis, si les habitants du paradis vivent cela, alors il mène une bonne vie. Allahu Akbar, cet homme se retrouve dans un état d'apaisement et d'élargissement de la poitrine tel qu'il se dit que si au paradis on est comme ça, alors c'est la belle vie. Allahu Akbar. Et un autre dit, il est en ce bas monde un paradis semblable au paradis de l'au-delà. Celui qui entre dans le premier entrera dans l'autre. Et celui qui n'y entre pas en cette vie, n'y entrera pas dans l'au-delà. Et l'un d'entre nous se demande quel est donc ce paradis dans ce bas monde. Et le prophète alayhi salat wa salam, en réalité, a attiré notre attention sur ce paradis. Lorsqu'il nous dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ وَقَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous passez par les jardins du paradis, délectez-vous-en. Que sont les jardins du paradis? Les assemblées de la mention d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne que les assises du paradis sont les assises de science. Sont les assises où tu apprends la religion d'Allah, où tu apprends à connaître ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, sa grandeur, ce qu'il aime pour l'appliquer, ce qu'il n'aime pas pour t'en éloigner. Et plusieurs parmi les gens de science ont appelé leur livre sur ces termes, ou par ces termes. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, l'espace entre ma maison et ma chair est un jardin du paradis. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, vient enlever une chose qui pourrait traverser l'esprit de l'un d'entre nous. Après avoir entendu ces délices et ce bonheur, l'un d'entre nous pourrait penser que ça, c'est que dans l'au-delà, c'est qu'au paradis, après avoir travaillé longuement et difficilement. Mais non, il nous dit « وَلَا تَظُنْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَخْتَصُ بِيَوْمِ الْمَعَادِ فَقَطْ فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش قلب السليم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et ne pense pas que la parole du Très-Haut, sur la traduction des sens du verset, les pieux baigneront dans les délices et les pervers dans la fournaise. Ne pense pas que cela est spécifique ou soit spécifique au seul jour de la résurrection. Non, mais ils baignent dans les délices, dans les trois demeures. Dans ce bas monde, dans leur tombe et dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Et les autres, pareillement. dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà, ils seront dans la fournaise. Et quel délice et bienfait plus grand en cette vie que la bonté du cœur, l'intégrité de la poitrine, la connaissance et l'amour du Seigneur, et chercher à se conformer à cela dans nos œuvres. Agir afin d'être en conformité avec ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. La réelle existence, est-elle autre que l'existence du cœur saint ? وقد أثنى الله عز وجل على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de celui qu'il a aimé au plus haut point, Ibrahim alayhi salam, al-Khalil, pour l'intégrité de son cœur lorsqu'il dit, sur la traduction des sens, du nombre de ses co-religionnaires fut Ibrahim. Lorsqu'il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Et en parlant de lui, il nous dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et Allah Azza wa Jal nous mentionne la parole d'Ibrahim alayhi salam. Et là, une grande question. Et là, la question qu'on doit tous, sur laquelle nous devons tous nous interroger. La réponse que nous devons tous rechercher. Qu'est-ce que un cœur saint ? Comment avoir ce cœur saint ? Quels en sont les signes ? Est-il accessible ? Ou est-ce un rang réservé qu'aux prophètes, aux messagers ? Ou que aux Khalilan ? Ou encore aux compagnons ? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ne nous laisse pas sur notre faim et ajoute en disant والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة وسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. Le cœur saint est celui qui est préservé du polythéisme, de la rancune, de la rancœur, de la jalousie, de l'avarice, de l'orgueil, de l'amour de ce bas monde et du commandement. Il est préservé de toute faute, l'éloignant d'Allah, de toute ambiguïté, s'opposant à ceux dont il informe, de tout désir s'opposant à son ordre, de toute volonté concurrençant sa volonté, et de toute chose le coupant d'Allah. C'est là le cœur saint, séjournant dans un paradis en ce bas monde, dans sa tombe et au jour de la résurrection. وَلَا تَتِمُّ لَهُ سَلَامَتُهُ مُتْلَقًا حَتَّى أَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه خمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي: Il ne peut parvenir totalement à cette intégrité jusqu'à être préservé de cinq choses. C'est-à-dire, nul ne concrétisera l'intégrité du cœur et le fait d'atteindre ce fameux cœur saint jusqu'à ce qu'il préserve et soigne son cœur de cinq maux destructeurs. Premièrement, le shirk qui contredit l'unicité. Deuxièmement, l'innovation qui s'oppose à la sunna. Troisièmement, le désir enfreignant l'ordre d'Allah. Quatrièmement, l'insouciance dérogeant au rappel. Et enfin, la passion contredisant le dénuement et la sincérité. Ces cinq choses opposent un voile devant Allah. Et chacune de ces choses-là comporte de nombreuses formes et d'innombrables cas. C'est pourquoi le besoin du serviteur et plus encore la nécessité impérieuse pour lui est grande de demander à Allah de le guider sur la voie droite. Ibn al-Qayyim nous dit, après avoir entendu ça, qu'il te faut te préserver de ces cinq choses qui sont en réalité des voiles entre toi et Allah Azza wa Jal et des remparts à l'accession de l'acquisition de ce cœur saint. Le plus grand besoin est donc de demander à Allah de te guider sur le chemin droit. L'homme n'a pas de plus grand besoin que cette invocation. Dans sourate al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. La plus grande sourate qu'on ait révélée sur le plus grand des prophètes, dans la meilleure des langues, par l'intermédiaire du meilleur prophète, par l'intermédiaire du meilleur ange, sur le meilleur des prophètes et messagers. C'est la plus grande sourate qui fut révélée, qui ne fut jamais révélée à un des prophètes avant, la sourate al-Fatiha. Et la plus grande dua est dans sourate al-Fatiha, à savoir Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit, fais-nous connaître la vérité, permets-nous de l'emprunter et affermis-nous sur celle-ci. Voici le plus grand besoin. Ceci car la voie droite comporte des connaissances, des volontés, des actes et des laissements apparents et cachés qui se présentent à tout moment. Donc la guider, c'est vaste, c'est large, il y a beaucoup de formes et de détails. Et seul Allah Azza wa Jal peut permettre au serviteur de se rapprocher de cette perfection. L'homme peut connaître ou ignorer les détails de cette voie droite, ou encore il peut ignorer plus qu'il n'en connaît, tout comme il peut être capable ou non de mettre en pratique ce qu'il connaît. Mais c'est là la voie droite. Même s'il est capable de l'emprunter, il peut désirer ce dont il est capable ou ne pas le désirer, par paresse ou négligence en raison de l'existence d'un obstacle, ou pour d'autres raisons encore. Il peut mettre en pratique ou non ce qu'il désire, tout comme il peut, en ce qu'il accomplit, respecter ou non les conditions de la sincérité envers Allah, de même qu'il peut se conformer parfaitement ou non à la sunna en ce qu'il accomplit avec sincérité. Et enfin, il peut persévérer sur ce qu'il a accompli en conformité avec la sunna, où son cœur peut en être écarté. Tout cela se réalise parmi les hommes, pour certains plus que d'autres. En résumé, Ikhwan al-Kiram ibn al-Qayyim nous dit: la guider, c'est vaste et ça comporte beaucoup de formes. Il faut la science, il faut l'application de la science, il faut l'envie d'apprendre et l'envie d'appliquer. Et une fois que tu as concrétisé cela, il te faut rester sur cette vérité. Tu peux savoir et ne pas faire, tu peux ne pas savoir et mal faire, tu peux faire mais ne pas être sincère, tu peux être sincère mais ne pas être en conformité avec la sunna. Comment bien faire alors? Vu qu'il y a tous ces paramètres et ces facteurs, il faut qu'Allah t'aide. Il faut qu'Allah te guide. Et sans la guidée d'Allah, nul ne pourra être guidé. Sans la voix d'Allah, nul ne pourra réussir à être guidé. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accorde la guidée. Et Allah azza wa jal nous a parfaitement exposé afin que nul, exposé la vérité, afin que nul ne puisse avoir d'excuses auprès de lui. De par sa justice, il a guidé qui il veut par miséricorde et égaré qui il veut par justice, avec sa justice. La guidée est la propriété d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. S'il l'accorde, c'est une faveur de sa part. Et s'il la retient, ça lui appartient. Dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla a guidé qui il a voulu. Il a accordé une lumière à qui il a voulu, parmi les croyants, parmi les messagers. Et ceux qui ont cette lumière dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla leur accordera de cette lumière dans l'au-delà, juste avant la traversée du Sirat, après que les serviteurs soient plongés dans des ténèbres, il donnera à chacun une lumière, proportionnellement à ce qu'il avait comme lumière de guider dans ce bas-monde. Et rapidité à acheminer vers Allah et la demeure de l'au-delà. Et c'est là que sera dressé le Sirat, le pont au-dessus de l'enfer, dont la finalité sera le paradis. Et chacun aura parmi les croyants traversé As-Sirat. Certains le traverseront rapidement, d'autres lentement, et d'autres tomberont du Sirat, happés et poussés par les crochets sur le bord du Sirat. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver, ainsi que nos proches. Et si tu préserves ta foi dans ce bas monde, Allah préservera ta personne sur la traversée du Sirat. Et si tu réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal et empruntes sa lumière dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal te donnera une grande part de lumière et te permettra d'emprunter As-Sirat. Donc, à toi d'agir, à toi de revenir à Allah Azza wa Jal, à toi de faire en sorte qu'on ne t'éteigne pas cette lumière en ayant éteint dans ce bas monde la lumière d'Allah par les péchés, par les désobéissances, par l'éloignement et l'insouciance face à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سبحانه وتعالى nous dit: toutes les louanges reviennent de droit Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni les égarés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par la mention de ses noms les plus sublimes, de ses attributs les plus complets, de nous aider à revenir vers lui de la meilleure manière, de nous aider au délaissement du suivi des passions et de la corruption des cœurs à travers les péchés. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidud Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidud Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك قلوبا سالمة اللهم إنا نسألك قلوبا سالمة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارفع درجات أمهاتنا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.